إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre At-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala Muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya. Donc on est arrivé maintenant à une partie où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique يعني que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le plus savant de cette umma et celui qui est le plus sincère envers elle. Et donc il explique les principes à ce sujet-là pour établir et confirmer yani le fait que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses sahaba, la voix des salaf, c'est la meilleure voie à suivre dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas la voix des philosophes et des gens de kalam et des gens qui nient les attributs. Donc il dit le shaykh wa min al ma'loum lil mu'minin an Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa din al haqq li yuzhirahu 'ala al din kullihi wa kafa billahi shahida. Donc le shaykh il dit qu'il fait partie des choses qui sont connues pour les croyants que Allah subhanahu wa ta'ala a suscité son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion et Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme témoin. Donc Cheikh al-Islam il explique ici un point que Cheikh al-Fawzan a commenté. Cheikh al-Fawzan hafizahullah il dit kama qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqqi ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. Donc le cheikh explique le verset. Il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 33 dans sourate At-Tawbah que c'est lui qui a envoyé le messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion. Pour qu'elle prenne le dessus sur toute autre religion. Le cheikh explique que Al-Huda, la guidance, c'est en fait, ça signifie la science qui est bénéfique. Parce que c'est avec la science bénéfique qu'on peut arriver à yani, être bien guidé et avoir une guidance. Dans le sens que celui qui est ignorant, hein, il s'égare. Wadin al-Haqq, c'est les bonnes œuvres. Les œuvres qui sont en accord avec le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah. Donc la religion de vérité, c'est al-amal al-salih, c'est le tawhid, c'est yani, l'application des règles de l'islam selon le Coran et la Sunna et la Sharia. Donc. Ensuite, Cheikh al-Fawzan il dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ وَمِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ مَا ذَكَرَهُ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ وَحْدَانِيَتِهِ وأسمائه وصفاته هذا أصل العلم النافع وأساس العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالبيان التام لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم فكيف يكون بعثه الله بالهدى ولم يبين للناس هذا الباب. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qui font partie de la science bénéfique que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, hein, donc les choses qui ont rapport avec la science bénéfique, parmi les choses qui ont rapport avec ce qui a été rapporté ou mentionné à propos des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses noms et ses attributs. Ça fait partie, ça, de la guidance, c'est-à-dire de la science bénéfique. Et la base, hein, il dit, c'est ça la base, en fait, de la science qui est bénéfique. De connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son unicité, de connaître ses noms et de connaître ses attributs. Celui qui n'a pas connu ça, n'a pas connu la base de la science bénéfique. Et c'est la base de la science bénéfique et le fondement de la science bénéfique, yani avec laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et le messager est venu avec la clarification et l'explication complète de tout ce que l'être humain a besoin de connaître par rapport aux affaires de sa religion. Donc comment serait-il possible que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait envoyé, c'est-à-dire qu'il ait envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance sans qu'il n'ait expliqué aux hommes qu'est-ce qui a rapport avec ce domaine, qu'est-ce qui a rapport avec ces questions-là, c'est-à-dire les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs. C'est pas possible. C'est pas possible que le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'ait envoyé à l'humanité avec la guidance sans qu'il n'explique aux hommes la guidance qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Et que ce soit des ignorants ou des égarés, hein, des philosophes qui soient apparus des siècles après lui pour expliquer et clarifier ces choses-là aux hommes. Hein, c'est pas acceptable et c'est pas possible de dire une chose pareille. Ensuite, le cheikh il explique l'autre partie de la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, c'est-à-dire pour qu'elle prenne le dessus sur toute autre religion. Le cheikh il dit أي على سائر الأديان وقد تحقق هذا فظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية وسائر الأديان وانتشر في المشارق والمغارب وظهر بالحجة والدليل والبرهان. Donc le cheikh il dit que l'islam, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset, pour qu'elle ait le dessus, pour que l'islam ait le dessus sur toute autre religion, eh bien le cheikh il explique, il dit au-dessus de toutes les religions, et cette chose-là s'est déjà réalisée. C'est-à-dire que ça s'est déjà réalisé que l'islam a pris le dessus sur toute autre religion. Et cela est dans le sens que l'islam a pris le dessus sur le judaïsme et sur le christianisme et sur toutes les autres religions. Et l'islam s'est propagé à l'est et à l'ouest. Et elle a pris le dessus par la preuve, par l'évidence et par les preuves. Les preuves, les évidences et tout ce qui a rapport avec les choses qui indiquent que l'islam est la vérité. Donc c'est ainsi que l'islam a eu le dessus sur toutes les autres religions. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَأَنَّهُ بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ مِنْ أُمُورِ الْإِيمَانِ مِنْ أُمُورِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانِ والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Donc le cheikh l'islam il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié pour les hommes ce qui a rapport avec les questions de la foi, en Allah et au jour dernier. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de la foi en lui et de la foi en le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié pour les hommes. Puisque la foi en Allah et le jour dernier, ça implique la foi en le début et la, le retour, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés au tout début, que c'est lui qui a créé la vie, qui a créé l'humanité, et ça implique la résurrection. Le retour, c'est-à-dire la résurrection. Puis on sera tous ramenés à la fin des temps, qu'on sera tous ressuscités et qu'on sera tous jugés. Et donc, c'est la foi en la création, que c'est Allah qui nous a créés, et la résurrection à la fin du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ce principe-là et la foi en lui et la foi en le jour dernier dans plusieurs versets dans le Coran, dont celui dont le cheikh a parlé, le verset 8 dans surat al-Baqara. Il dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Donc on voit souvent cette association-là dans la révélation, que la foi en Allah est associée directement ou reliée directement à la foi en le jour dernier. Ça, on le retrouve souvent. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Mais ils ne sont pas vraiment croyants. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires par rapport à ce passage. Et il dit: الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أمور دينهم وعقيدتهم فبين لهم الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وبين لهم أركان الإيمان وأركان الإسلام وبين لهم شعب الإيمان وبين لهم البيان الكامل الشافي فكيف يترك باب الأسماء والصفات لم يعني فكيف يترك باب الأسماء والصفات ولم يبينه وقد بين لأمته كل شيء. Donc le cheikh il mentionne يعني l'argument en fait qui est dans cet exemple que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné ici, c'est que en fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a clarifié pour les hommes tout ce qui a rapport avec leur religion et leur croyance, et il leur a expliqué yani qu'est-ce que c'est la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres et en les messagers, la foi en le jour dernier, la foi en la prédestination, hein, qu'est-ce qu'Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal. Et il a expliqué pour les hommes les piliers de la foi, les piliers de l'islam, et il leur a clarifié également les branches de la foi. Il leur a expliqué également toutes ces choses-là, donc, d'une explication et d'une clarification complète et suffisante. Donc, comment pourrait-on dire par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout ça, mais qu'il a laissé de côté ou qu'il a abandonné l'explication des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne les a pas clarifiés, alors qu'il a expliqué tous les autres aspects de la religion. Et toutes les bonnes choses que la Ummah a besoin de connaître. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique tout de la religion sans, par contre, expliquer les principes qui ont rapport avec la foi en Allah et en ses noms et ses attributs. Ensuite, le cheikh, il commente encore des points qui ont rapport à ce passage qu'on a lu. Il dit: Arkanul iman sitta. منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وتارة يذكر أركان الإيمان كلها وتارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بمبدأ الخلق والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالمعاد والمبدأ هو خلق المخلوقات من عدم والمعاد هو إعادة الخلق يوم القيامة بعد الموت. Donc le cheikh explique que il explique la parole de cheikh l'islam et il dit que les piliers de la foi sont de 6. Les piliers de la foi sont de 6. La foi en Allah et la foi en Yani, il dit les piliers de la foi sont de 6, et parmi les piliers de la foi, yani, parmi les 6 piliers, il y en a 2 que le Cheikh a mentionné justement, c'est la foi en Allah et la foi en le jour dernier. Ça, c'est 2 parmi les 6 piliers de la foi. Le Cheikh, il dit que parfois, dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne uniquement ces deux piliers-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il mentionne uniquement ces deux piliers, c'est-à-dire la foi en Allah et la foi en le jour dernier seulement. Le Cheikh dit pourquoi? Parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala implique la foi en le début de la création. Et la foi en le jour dernier implique la foi en la résurrection. La foi en Allah implique la foi en yani le début de la création, la genèse, comment Allah a créé l'univers en premier, comment il a créé les hommes et tout, à partir de rien. Puis la foi en le jour dernier, ça implique la foi en la résurrection. Donc, al-mabda, dont Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a parlé, al-mabda, c'est en réalité le fait que Allah a créé toutes les créatures à partir de rien. Al-mabda, c'est-à-dire le début, hein, le commencement. À partir du néant. Allah a tout créé. Et al-ma'ad, c'est le fait qu'il refait la création, bien qu'il il fait revenir les créatures, c'est-à-dire il les recrée encore une fois. Il reprend leur création en les faisant ressusciter au jour de la résurrection après la mort. Ensuite, Cheikh l'Islam, il a mentionné le verset de sourate Al-Baqarah, le verset 8, qui mentionne la foi en Allah et en le jour dernier. Et il dit: wa dhakara al-iman billahi wal yawm al-akhir li'anna al-iman billahi wal yawm al-akhir yani li'anna al-iman billahi yaqtadi al-iman bil mabda wal ma'ad. Donc il répète qu'est-ce qu'il vient de dire précédemment par rapport à qu'est-ce qui est dit dans ce verset là, que Allah mentionne la foi en Allah et le jour dernier, et que ça implique yani le début de la création et la résurrection à la fin des temps après la mort. Ensuite, le Cheikh, il dit. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne d'autres versets. Il dit: قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بين الله تعالى على لسان رسوله من أمر الإيمان بالله وباليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. Donc le Cheikh, il explique, il dit que Allah Ta'ala a mentionné dans sourate Luqman, le verset 28, que votre création ainsi que votre résurrection à vous tous n'est rien d'autre que comme une seule âme. N'est rien d'autre que comme si c'était une seule âme. Et Allah est certes audient et voyant. C'est-à-dire qu'il entend tout et qu'il voit tout. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 27 dans Surat al-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. C'est-à-dire, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a débuté la création, puis qui l'a refait. Wa qad bayyana Allah ta'ala 'ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min amr al-iman billahi wal yawm al-akhir ma hada Allah bihi 'ibadahu wa kashafa bihi muradahu. Et donc le Cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a donc clarifié par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des questions de la religion, yani les questions de la foi en Allah et de la foi en le jour dernier, ce par quoi il a guidé ses serviteurs et par quoi il a également dévoilé ce qu'il a voulu pour sa création. Donc il explique, Cheikh Al-Fawzan, les différents passages de ce de cette citation-là, ou de cette partie de, du texte, le Cheikh al-Islam, il dit, « Ma khalqukum » il explique le verset dans Surat Luqman, il dit, « Ma khalqukum fil bidaya, wala ba'thukum ay ahya'ukum, ihya'ukum ba'd al-maut, illa ka nafsin wahida, fallazi yaqdiru ala nafsin wahidatin, يبدأها ويعيدها قادر على خلق الناس وإعادتهم جميعا لا يعجزه شيء ولا فرق بين قدرة بين ولا فرق بين قدرته على نفس واحدة وقدرته على جميع الأنفس. Donc le cheikh explique le verset. Il dit donc que votre création au début, au début de la création, de même que votre ni votre création, ou bien votre création et votre résurrection, c'est-à-dire le fait qu'on va être ressuscité après la mort, c'est comparable à une seule âme. C'est comme si c'était une seule âme. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire celui qui est capable de créer une seule âme. Hein? Celui qui a le pouvoir et qui est capable de faire une âme et de la créer, il est capable de la refaire également, facilement. Et s'il est capable de le faire pour une âme, il est capable de le faire, le faire pour toutes les autres créatures et pour toutes les autres âmes aussi. Et il n'y a rien qui est difficile pour lui dans ça. Il n'y a pas de différence entre le fait de le faire pour une âme ou de le faire et d'avoir la capacité de le faire pour toutes les âmes en entier. Naam. Et ensuite, il commente le deuxième verset, qui est celui qu'on a lu dans Surat al-Rum, verset 27. C'est lui qui a débuté la création puis qui l'a refait. Il dit, « هو الذي يبدأ الخلق هذا الإيمان بالمبدأ ثم يعيده هذا الإيمان بالمعاد وهو أهون عليه أي في نظر العقول وإلا فكل الأشياء هينة أو نعم هينة على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كل شيء عليه يسير لا يعجزه شيء لكن هذا من باب التنزل معهم في نظر العقول وهو أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى. Donc le cheikh il explique et il dit, c'est lui qui a débuté la création, ça on parle ici de al-mabda, la foi en le commencement de la création, comment Allah a créé toute chose, puis c'est lui qui l'a refait, c'est-à-dire la foi en la résurrection et le retour, le fait qu'il va nous recréer. Et c'est encore plus facile pour lui. C'est-à-dire, « wa huwa ahwanu alayhi ». Et le cheikh, il explique que ça, c'est par rapport à notre raison à nous. C'est-à-dire, par rapport à nous, sur le plan de notre raison à nous, en tant qu'être humain. Dans le sens qu'on dit que c'est plus facile, mais sinon, pour Allah, tout est facile. Il n'y a pas une chose plus facile que l'autre. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est difficile pour lui. Et il dit, mais dans le but de mettre les choses au niveau de notre compréhension à nous, il nous dit, il nous fait comprendre que, logiquement, s'il a été capable de les créer au début, à partir de rien, à partir du néant, eh bien, ça devrait logiquement être encore plus facile pour lui. Puisque la deuxième fois, lorsqu'il les recrée une deuxième fois, c'est selon l'exemple qu'il a fait la première fois. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile pour nous, en tant que comme, c'est de faire quelque chose la première fois. C'est toujours le prototype qui est plus difficile à faire. Puis après, les autres, c'est des copies, c'est très facile. Donc, ça, c'est pour nous, pour les êtres humains. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est facile. Ensuite, le cheikh, il explique, il clarifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi en Allah et au jour dernier, ce par quoi il yani, a ramené la guidance pour les hommes et il a fait savoir ce qu'il voulait des hommes. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il explique Cheikh Al-Fawzan ce passage-là, il dit « Bayyana Allahu Azza wa Jal al-Iman billahi wal-Iman bil-Yawm al-Akhir fi ayatin kathira. هدى الله بها عباده وبين بها مراده فمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته ففي هذا حجة على الذين يظنون أن النصوص لا تفيد العلم في أسماء الله وصفاته لأنها عندهم أدلة ظنية أما العقول عندهم فهي أدلة يقينية والواجب العكس أن النصوص هي اليقينية وأما العقول فهي ظنية. Donc le cheikh explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a clarifié qu'est-ce qui a rapport avec la foi en Allah et la foi en le jour dernier dans plusieurs versets par lesquels il a guidé ses serviteurs et par lesquels il a fait savoir ce qu'il voulait. Et parmi les éléments donc de la foi en Allah, il y a aussi la foi en ses noms et en ses attributs. Et donc, il y a dans ça une preuve contre ceux qui prétendent que les textes ne peuvent pas yani, ramener la science. Ils ne peuvent pas ramener la science au sujet des noms et des attributs d'Allah. Parce que pour eux, ce ne sont pas des preuves certaines. Selon eux, ce ne sont pas des preuves certaines. Ce sont juste des preuves hypothétiques. Tandis que les preuves qui ramènent la certitude, selon eux, c'est des preuves rationnelles, les preuves logiques seulement. Et le cheikh explique, il dit que qu'est-ce qui est en fait, yani, qu'est-ce qui est en fait yani, la nécessité, qu'est-ce qui est en fait l'obligation de comprendre et de croire, c'est plutôt le contraire. C'est que les textes, c'est en réalité les textes qui ramènent la certitude, tandis que les preuves rationnelles, c'est elles qui ramènent le doute ou qui ne sont pas certaines, hein, qui ramènent des hypothèses seulement. Et donc ensuite, le cheikh il explique et il dit, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, « Wa ma'loumun » On a commencé par « Yani wa min al-ma'loum » On a expliqué parmi les choses que les croyants savent, c'est que Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité. Il a donné l'exemple de la création et de la résurrection. Ensuite, il donne un autre point. Il dit wa min al-ma'lum et c'est encore connu lil mu'minin anna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam a'lamu bidhalika min ghayrihi wa ansahu lil umma min ghayrihi wa afsahu bin ghayrihi ibaratan wa bayanan. Donc là le cheikh il donne un autre point, il ramène un autre argument pour supporter et pour clarifier qu'est-ce qu'il a dit précédemment. Il dit et également il est connu pour les croyants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la plus savante de toutes les autres créatures parmi les créatures d'Allah. Donc c'est lui le plus savant par rapport aux autres et le plus sincère hein, pour la Ummah par rapport aux autres et le plus éloquent et clair dans sa façon de s'exprimer et dans sa façon d'expliquer les choses par rapport aux autres. Donc il a réuni ces trois qualités-là qui font que sa parole yani, est la parole la plus claire et la plus véridique et la plus bénéfique par rapport à toute autre parole parmi les paroles des hommes. Puisqu'il est le plus savant des hommes, le plus sincère des hommes et le plus éloquent des hommes. Donc, est-ce que tu peux trouver ces trois caractéristiques-là chez quelqu'un plus, yani, à un niveau plus élevé que tu les retrouves chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Et ça, c'est un point très important. Il dit, le cheikh, من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق وأنه أفصح الخلق لسانا وأنه أنصح الخلق. فإذا اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه لا بد أن يبين للناس. وقوله يبين أمور العقيدة أولى من كونه يبين أحكام المعاملات والبيع والشراء، لأن العقيدة هي الأساس، فهو لا يكتم شيئا. فالخلل إنما يأتي من قلة العلم، أو يأتي من عدم القدرة على البيان، أو يأتي من الغش والكتمان. وهذه كلها منتفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. Donc le cheikh il explique ça très bien. Et il dit, parmi les caractéristiques du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il est la créature qui est la plus savante parmi les hommes et la plus sincère, hein, la plus sincère, plutôt la plus éloquente et la plus claire quand il parle et quand il explique par rapport à toutes les autres créatures, et la plus sincère de toutes les créatures lorsqu'il parle. Donc lorsque quelqu'un possède ces caractéristiques-là, la science, l'éloquence et la sincérité, eh bien, c'est nécessaire et c'est absolument obligatoire qu'il explique et qu'il clarifie aux hommes la vérité. Et le fait d'expliquer les questions qui ont rapport avec la aqida, c'est beaucoup plus important que d'expliquer les règles qui ont rapport avec les interactions, le commerce et la vente, hein? Parce que la aqida, c'est la base de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de la religion. Quand est-ce qu'il y a une déficience, ou quand est-ce qu'il y a un problème, ou une défaillance, ou un problème dans la clarification du message? Quand est-ce qu'il y a un problème dans la clarification du message? C'est quand il y a un problème dans une de ces trois caractéristiques-là. Dans le sens que, il y a un problème, si le cheikh il dit il y a un problème, lorsque quelqu'un a peu de science à propos du sujet dont il parle. Ça c'est ce qui ramène des problèmes ou des défaillances. Ou lorsque la personne a l'incapacité de clarifier. Donc elle n'a pas l'éloquence, elle n'a pas la capacité de dire les choses comme il faut. Donc il y a une défaillance par la suite à cause de ça. Ou bien que la personne, elle n'est pas sincère. Donc elle cache la vérité ou elle triche ou elle trompe les gens. Hein? Donc c'est le contraire des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, était la plus savante, la plus éloquente et la plus sincère. Et le problème dans les questions qui ont rapport avec la compréhension et la connaissance de la religion, ça vient de la personne qui a peu de science, peu de capacité d'expliquer et de clarifier bien les choses, et peu de, ou bien que la personne, elle trompe ou elle cache la vérité. Et ces trois caractéristiques-là sont, c'est-à-dire ces trois défaillances-là, ces trois manquements-là, sont totalement niés par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin de ces défauts-là ou de ces problèmes-là en ce qui a trait à la propagation et la clarification de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus savante des créatures, la plus éloquente des créatures et la plus sincère des créatures. Donc il n'a rien caché de la vérité et il n'avait aucun problème pour l'expliquer et la clarifier parce qu'il est le plus éloquent et il ne manquait pas de science ou de connaissance sur le sujet, sur la question, en particulier des noms et des attributs d'Allah. Donc, il ne manquait pas d'aucune connaissance puisque c'est la plus savante des créatures à ce sujet-là. Et il est la personne la plus sincère pour la Ummah. La personne qui est plus sincère pour la Ummah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, وَالنَّاصِحُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا تَحْتَاجُهُ الْأُمَّةِ. Il dit, et la personne sincère elle ne va rien cacher de ce que la Ummah a besoin comme connaissance. Et le point numéro 3, la suite de l'explication par rapport à l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est lui le plus éloquent dans son expression et dans sa clarification, il a la capacité totale d'expliquer. Il dit wa indahu al-maqdir 'ala al-bayan li'annahu afsah al-khalq lisanan fala ahad yusawi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-fasaha. Personne n'est plus éloquent et personne n'est plus clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh dit ensuite bal huwa a'lamu al-khalq bidhalika wa ansahu al-khalq lil-ummati wa afsahuhum وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. شيخ الإسلام يستخدم de la logique, de la raison pour les réfuter. Il est en train maintenant d'établir les bases pour justement établir le principe et les principes qu'il veut prouver par la suite. Donc il est en train de mettre des bases. Si vous êtes d'accord là-dessus, attendez-vous à la suite. Vous êtes d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous demandez à n'importe quel mutakallim, n'importe quel mubtadi', est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le plus savant de toutes les créatures à propos d'Allah? C'est certain qu'ils doivent dire oui. Est-ce que vous croyez, vous êtes d'accord que le messager d'Allah, c'est la plus sincère de toutes les créatures, pour la créature dans ce qui a trait à la religion d'Allah? Et c'est obligatoire qu'ils disent oui, qu'il est le plus sincère. Et est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le plus éloquent et celui qui a le plus de facilité et de capacité de s'exprimer et d'expliquer ce qu'il veut dire clairement? Et c'est obligatoire, bien sûr, surtout à propos de la religion, et c'est obligatoire qu'ils disent oui. C'est obligatoire, ils n'ont pas le choix. Donc le cheikh il dit, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, il dit, et ces trois caractéristiques là se sont réunies et allées à son sujet, puisqu'il avait la science complète et la capacité complète et la volonté complète d'expliquer et de clarifier et de faire savoir aux hommes qu'est-ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah et la religion. Et il dit, et c'est bien connu que la personne qui parle ou la personne qui agit, lorsqu'elle a complété, qu'elle a parfait sa science et sa capacité et sa volonté, eh bien, ses actions et ses paroles et ses actions seront également parfaites et complètes. Complètes et parfaites aussi. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Cheikh Al-Islam, il mentionne ça en premier, c'est pour confirmer. Il dit, هذا تأكيد. Confirmer ce qu'il vient de dire précédemment. Et il dit, اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة وهي الفصاحة والبيان. والإرادة إرادة البيان وعدم الكتمان والغش للناس. Donc il a réuni en lui la capacité et la perfection dans la science et dans la capacité. Et ça c'est quoi? C'est-à-dire l'éloquence et l'explication, la clarification. Et la volonté, c'est-à-dire la volonté d'expliquer aux hommes la vérité, et de ne rien leur cacher, et de ne pas les tromper également. Donc tout ça, c'est présent chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique, et il dit, « إذا تكاملت هذه الصفات في غير الرسول كمل علمه وبيانه وقدرته فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وحمله الرسالة وأمره بالبلاغ أن يبلغ الناس ما أنزل إليه كيف يترك باب الأسماء والصفات دون أن يبينه حتى يأتي هؤلاء ويبينونها للناس ويقولون إن المراد بها كذا وليست على ظاهرها. Donc le cheikh il dit, donc lorsque quelqu'un autre que le messager réunit ses caractéristiques de façon complète et parfaite, c'est-à-dire dans la science, dans l'explication et dans la capacité, hein, eh bien, lorsqu'il arrive à ce niveau-là, on dit ça de lui. C'est-à-dire que ses actions, sa parole et ses actions seront complétées et parfaites. Alors, que dire dans ce cas-là du messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et à qui il a fait porter le message de sa révélation, et à qui il a ordonné de transmettre ce message. Et qu'il, n'est-ce pas que c'est encore plus clair que ces caractéristiques-là seront présentes en lui, alors qu'il a été ordonné de transmettre ce que Allah lui a révélé aux hommes. Donc, comment pourrait-il laisser de côté, dans ce cas-là, la question qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah sans la clarifier comme il faut? Jusqu'à ce que viennent ces gens-là, parmi les philosophes, et parmi les gens de Kalam, les gens de Bid'ah, et qu'ils viennent clarifier ça aux gens, et qu'ils prétendent que c'est ça ce que Allah a voulu dire par telle ou telle parole, et que c'est pas dans son sens apparent. Cheikh l'Islam il dit ensuite, وإنما يدخل النقص في يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. Donc Cheikh l'Islam il dit, qu'est-ce qu'il a dit précédemment, c'est presque la même chose. Il dit que la défaillance ou la déficience dans l'explication ou dans la science ou dans ces questions-là, ça rentre uniquement de la part de du fait qu'il y ait une déficience dans la connaissance de la personne ou dans sa science, ou bien une incapacité dans la clarification de sa science, ou bien le fait qu'il n'ait pas la volonté de l'expliquer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est à la limite, hein, au plus haut point de la perfection dans sa science, et au plus haut point dans la perfection de la volonté de vouloir transmettre clairement ce message, et il est au plus haut point également dans la capacité de le transmettre de façon claire. Et donc, avec la présence de cette capacité totale, de cette volonté ferme, et donc, il dit, avec la présence de la capacité totale et de la volonté ferme, il est obligatoire qu'il soit également présent, l'objectif et qu'est-ce qui est voulu. C'est-à-dire, on sait avec certitude que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié au sujet des questions qui ont rapport avec la foi en Allah et au jour dernier, hein, et qu'est-ce qui va se passer au jour dernier, eh bien, la clarification a atteint son objectif, et qu'est-ce qui a été voulu de la clarification au sujet de ces choses-là. Ça s'est produit. On a atteint le but. Pourquoi le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, هذه هي النتيجة من تكامل هذه الصفات في الرسول صلى الله عليه وسلم وهي القطع بأنه بين للناس كل ما يحتاجون إليه وفي مقدمة ذلك أنه بين للناس أسماء الله وصفاته على وجه la libsa fihi wa la rumud. Donc le cheikh il dit, c'est ça le résultat. Lorsque quelqu'un a complété et parfait toutes ces caractéristiques-là, comme le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est certain qu'il clarifie pour les hommes ce que les hommes ont besoin de connaître. Et à la tête de ça, il y en a à la base de tout ça, bien entendu, ce qu'ils ont besoin de connaître avant tout, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière dans laquelle il n'y aura pas d'ambiguïté ni de mélange. Et le cheikh il dit ensuite وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. Donc le cheikh il dit, نعم. Donc le cheikh il explique et il dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu expliquer et clarifier est en accord avec sa science. Et sa science de ces choses est la science la plus parfaite. Donc toute personne qui pense ou qui s'imagine que quelqu'un d'autre que le messager est plus savant que lui de ces choses-là, ou qu'il a une capacité plus parfaite que lui de clarifier ces choses-là, ou qu'il a plus un désir et une volonté de guider les créatures à la vérité plus que lui, et qu'il veut plus le bien pour la création et la guidance pour les hommes plus que lui, alors le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, alors il fait partie des mulhidin, fait partie des athées et non des croyants. Naam, c'est une belle présentation yani de la preuve. Et cheikh al-Islam il était fort yani dans ses clarifications de la vérité. Et le cheikh il dit والصحابه شيخ الاسلام يدي الى الصحابه ان يتابعون لهم باحسان هذه الصحابه et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière ainsi que ceux qui ont suivi la voie des salaf salih ce sont eux yani qui sont sur la voie de la droiture dans ce domaine et dans cette question. Maintenant cheikh الاسلام il a expliqué ça. On va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Cheikh Al-Fawzan dit من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البيان او غيره او نعم من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البيان وان غيره اقدر منه على ذلك خصوصا في باب الاسماء والصفات كما هو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة فهذا من الملاحدة لا من المؤمنين. Donc Cheikh Al-Fawzan il confirme, il dit celui qui accuse le messager sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir clarifié la religion ou qui prétend que quelqu'un d'autre que lui a plus la capacité de l'expliquer et en particulier dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs, eh bien il fait partie des mulhidines, non et non des croyants. Et ça, c'est cette parole, c'est ce qui est impliqué par la parole des Jahmiyyah et des Mu'tazila. Parce que quand ils nient les attributs d'Allah, ou quand ils font la déformation du sens des attributs d'Allah et de ses noms, eh bien, ça implique qu'ils s'imaginent que quelqu'un peut mieux parler d'Allah que le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ou que, yani, il a plus de capacité que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'expliquer, de parler de ce genre de choses. Et donc, celui-là ne fait pas partie des croyants, mais il fait plutôt partie des athées, des gens d'égarement. Et le cheikh, il dit, ensuite, cheikh Al-Fawzan, il commente encore sur la suite de la citation, il dit, الصحابة ومن سلك سبيلهم ممن جاء بعدهم في باب الأسماء والصفات وفي غيره على سبيل الاستقامة لأنهم يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبلغهم إياه وبينه لهم فهم على سبيل الاستقامة بخلاف الملحدين الذين قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يبين ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يليق به. Donc le cheikh il dit que les sahaba ainsi que ceux qui ont suivi leur voie parmi ceux qui sont venus après eux dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs hein, et dans les autres questions de la religion aussi sont sur la voie de la droiture hein, et de la sont ceux qui s'accrochent à la vérité du Coran et de la Sunna sur ces questions-là parce qu'ils croient que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu et leur est venu avec la vérité et leur a transmis cette vérité et leur a clarifié cette vérité et donc ils sont sur la voie de la guidance sur cette question-là et sur les autres contrairement aux athées hein, et aux gens déviés dans ces questions-là qui disent à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas clarifié yani ce qui était obligatoire pour lui de clarifier hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'il a dit à propos d'Allah ce qui ne convient pas de dire à propos d'Allah yani ça c'est des gens criminels hein, ils accusent le messager sallallahu alayhi wa sallam d'avoir mal parlé à propos d'Allah hein. Donc ça, c'est l'exemple de ces égarés-là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Maintenant, on passe à un autre point. Maintenant qu'il a établi ce principe-là, hein, qu'il a clarifié cette question, maintenant, il dit que les gens qui ont dévié de la voie des salafs sont différents groupes. Et il les a divisés en trois groupes. Ahlut Takhyil, Ahlut Ta'wil et Ahlut Tajhil. Donc il dit que les gens qui ont dévié de la voie des salafs au sujet des noms et des attributs sont divisés en trois groupes et voici ces trois groupes. Hein? Ahlut Takhyil, Ahlut Ta'wil ou Ahlut Tajhil. Hein? Et on va les expliquer un après l'autre. Donc le Cheikh l'Islam, il dit wa amma al-munharifuna an tariqihim فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل أي نعم وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Il dit en ce qui concerne les gens qui ont dévié de la voie des salafs. Dans cette question, ils sont de trois groupes, trois catégories. Ahlut Takhyil. Takhyil, ça vient en fait du fait de faire imaginer, de faire des illusions. Des gens qui parlent ou qui prétendent que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'était des illusions. Donc, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir enseigné des choses illusoires. Le deuxième groupe, c'est Ahlut Ta'wil, c'est-à-dire les gens qui déforment le vrai sens de la religion. Ils changent le sens et ils falsifient la religion en déformant le sens réel des choses. Et le troisième groupe, c'est Ahlut Tajhil. Ahlut Tajhil qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la religion qu'il était ordonné de transmettre. Il ne connaissait pas la signification des mots et des termes qui ont rapport avec les noms et les attributs. C'était juste pour lui, c'était juste comme des mots et des lettres dans une autre langue, hein, qu'il ne comprenait pas lui-même. Il faisait juste les transmettre comme ça, sans connaître. Donc ils l'accusent d'ignorance. Ils accusent le messager sallallahu alayhi wa sallam d'ignorance. Et comme on peut voir, Hein? Il y a un lien entre ces trois groupes et les trois caractéristiques qu'on vient de clarifier. Puisque le cheikh, il a expliqué hein, la connaissance, la connaissance parfaite, ensuite la sincérité parfaite, et ensuite il a parlé de la capacité parfaite d'expliquer. Hein? Donc, ici, ces trois groupes-là, eh bien, ils représentent chacun un groupe qui ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir des manquements dans une des trois caractéristiques que le cheikh a mentionné tout à l'heure. Premièrement, dans la science qu'il avait, donc il y en a qui l'accusent d'ignorance, Ahlul Tajhil, dans la sincérité, hein, c'est-à-dire Ahlul Tahyil, il l'accuse d'avoir enseigné des illusions, donc de ne pas être sincère, d'avoir menti aux gens, et Ahlul Ta'wil, il y en a qui l'accusent dans sa façon, dans sa capacité d'expliquer et de clarifier la religion pour les hommes. Hein, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des termes, mais c'est pas des bons termes, pas des bons mots. Il faut les changer, ces termes-là. Hein? Et ils prétendent connaître mieux que le messager d'Allah, et même, ils prétendent même connaître mieux que Allah, subhanahu wa ta'ala lui-même. Hein? Puisqu'il refuse même de dire à propos d'Allah ce que Allah a dit lui-même au sujet de sa personne dans le Coran. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il explique, il dit, et ceux-là sont les mutafalsifa, c'est-à-dire les gens qui sont rentrés dans la philosophie. Et ceux qui les ont suivis sur cette voie-là parmi les gens de kalam, les mutakallimin, et les soufis, les mutasawwifin, et les mutafaqqiha, hein, les prétendants à la science du fiqh, mais qui n'ont pas atteint le degré dans le fiqh encore. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il va expliquer, plutôt le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce passage-là. Parce que c'est un passage, on le voit maintenant, qui est court, hein, trois lignes, mais il y a beaucoup de termes et il y a beaucoup de choses à expliquer en détail dedans. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit wa ahlut tahyil alladhina yaquluna inna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam laysa haqiqah wa inna ma huwa shay'un takhayyalahu wa abdahu lin-nas li ajli maslahatihim. Donc ça c'est le premier exemple, les gens du tahyil. Ce sont des gens qui disent que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené n'est pas réel, mais c'est quelque chose qu'il a imaginé lui-même. C'est quelque chose d'illusoire qu'il a imaginé lui-même et qu'il a montré aux gens, qu'il a fait voir aux gens dans leur, pour leur bien. Pour leur bien à eux. Naam. Naam, il y a des gens comme ça, et surtout parmi les philosophes et parmi les gens de, il y en a des Batiniyoun, comme les Ismaélites et les gens de ces sectes-là. Eux, ils prétendent que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme intelligent, et son niveau d'intelligence était très développé, donc il a été capable d'imaginer toutes sortes de choses. Il imaginait un monde avec des anges, il imaginait des créatures invisibles, hein, et il a inventé le paradis et l'enfer pour arriver à contrôler les hommes, parce que, selon eux, les hommes n'ont pas assez d'intelligence ou de compréhension pour obéir aux règles par eux-mêmes. Donc, il prétend que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a inventé ces règles-là pour arriver à les contrôler pour leur bien. Il leur a fait croire en ces choses-là. Et donc, c'est grave. Hein? C'est du coffre clair. Donc, ça, c'est le premier groupe. Et ça, c'est soit chez les philosophes et les gens qui prennent leur religion chez les philosophes, comme par exemple les sectes ésotériques, hein, et les groupes d'égarement. Mais malheureusement, d'autres les ont suivis parmi les groupes d'égarement, parmi les mubtadi'a, comme les gens de Kalam, hein, comme les Asha'ira, les Maturidiyya, hein, et les autres groupes comme les Jahmiyya et les Mu'tazila, ils ont suivi les philosophes là-dedans, et les soufis aussi. Les soufis aussi, et on va en parler, Inch'Allah, après. Et certains parmi les fuqaha, hein, ça, parmi ceux qui étudient le fiqh ont été déviés aussi dans ça. Le cheikh il dit, donc ça c'est pour Ahlul Tahyil, on l'a expliqué Ahlul Tahyil, qu'est-ce que ça veut dire. Ahlul Ta'wil, Cheikh Al-Fawzan il dit, وَهُمُ الَّذِينَ يُؤَوِّلُونَ نُصُوصَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى كما هو عمل الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. Donc, c'est-à-dire que les gens du ta'wil, ce sont les gens qui font le ta'wil, c'est-à-dire ils déforment les noms et les attributs d'Allah. Les textes dans le Coran qui parlent des noms et des attributs d'Allah, ils déforment leur signification et leur donnent d'autres significations. Donc les significations réelles et correctes de ces termes-là et de ces versets-là, ils les déforment et donnent à ces noms et à ces attributs-là d'autres significations. Et ça, c'est comme l'exemple de ce que font les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah, hein, qui sont parmi les groupes d'égarement dans cette question-là. On appelle ces gens-là les gens du Ta'wil. Et le troisième groupe, ce sont les gens du Tajhil. Tajhil. Ok? Et Ahlul Tajhil, ce sont ceux qu'on appelle les Mufawwida. On a parlé des Mufawwida déjà. C'est-à-dire, c'est ceux qui prétendent que le messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était ignorant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, de la signification des noms et des attributs d'Allah. C'est-à-dire que c'était pour lui seulement des mots, hein, des lettres, mais il ne connaissait pas la signification de ces mots et de ces lettres-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, هُمُ الْمُفَوِّضَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَعْلَمُ مَعَانِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَإِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظٌ لَا تُعْلَمْ وَلَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا نتلوها ونفوض معناها إلى الله فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضون معناها إلى الله. Donc le cheikh il dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les gens du tafwid. Les gens du tajhil sont en réalité des mufawwida, ceux qui font le tafwid. C'est-à-dire ils disent, le messager ne connaît pas la signification de ce que Allah a révélé au sujet des noms et des attributs. C'est pour lui juste des, c'est comme des mots ou des lettres en chinois. Hein? Il sait pas du tout qu'est-ce que ça signifie. Il fait juste les réciter. Et la signification, il les renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba sont pour eux des ignorants par rapport au texte qui parle des significations des attributs d'Allah. Hein? Et il renvoie la signification de ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des gens de tajhil. Et quand le cheikh il explique ensuite que ce sont les philosophes et les mutakallimin et les mutasawwifa et les mutafaqqiha, il va expliquer chacun d'entre ces groupes-là qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce que ça signifie. Donc al-mutakallim, c'est quoi al-mutakallim? Le pluriel, c'est, hein, comme on a dit, al-mutakallim, pluriel mutakallimun. Des fois, on dit aussi Ahlul Kalam, hein, les gens du Kalam. Donc, ce sont les gens qui utilisent yani, la logique et yani, la dialectique, hein, aristotélicienne et tous ces trucs-là que les Koufars ont ramenés. Ils ont pris ça des Grecs et des autres peuples parmi les Mouchriquins, les Juifs et les Chrétiens et autres, comme on l'a expliqué. Donc, le Cheikh, il dit Al-Mutakallim, هو الذي يستدل بعلم الجدل. وعلم الكلام في المناظرة لا يستدل بالكتاب والسنة. Donc c'est ça. Ces gens-là, ils se basent pas sur le Coran et la Sunna pour amener des preuves au sujet de la religion d'Allah, au sujet de l'existence d'Allah, au sujet de la foi et le ghaib, mais ils se basent sur des arguments de discussion, de dialectique, la logique d'Aristote et des logiques des philosophes et des argumentations, hein. La dialectique, comme je disais tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, ils font juste parler, comme ça, s'échangent. Comme tu lis dans les livres, par exemple, de Platon ou d'Aristote. Tu vois que Platon ou Aristote ou un autre, il pose des questions à son élève. Qu'est-ce que tu penses de telle affaire, hein, ou de telle chose? Et là, son élève, il dit, oh, moi, je pense que c'est ça. Et là, il commence à répondre. Oui, mais si c'est comme ça, n'est-ce pas que ça devrait être comme ça? N'est-ce pas que ça, on devrait dire ça? Et là, toi, des dialectiques, hein, comme ça, des argumentations comme ça, en se basant sur soi-disant ce qu'il prétend être la logique. Mais à la fin, quand tu rentres dans les questions qui ont rapport avec la foi en Allah, avec le raïd, avec les questions qui ont rapport avec la révélation, et les prophètes et les messagers, et tu parles de ça en te basant juste sur ta logique ou ce que tu prétends être la logique, c'est clair que tu tombes dans l'égarement. Maintenant, il explique, le cheikh, qu'est-ce que c'est al-mutasawwifa. Al-mutasawwifa, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-tasawwuf, le soufisme. Donc le cheikh, il explique maintenant c'est quoi le soufisme et c'est quoi les exemples d'égarement qu'il y a là-dedans. Et il dit, le cheikh, et je pense que après al-mutafaqqiha, on va s'arrêter, inshallah. Donc le cheikh al-Fawzan, il dit al-mutasawwif في الأصل هو المبالغ في الزهد والتعبد وقد اختلفوا في وجه تسميتهم بذلك اختلفوا في تفسيره فمنهم من يقول إن التصوف مأخوذ من الصوف لأن المتصوف يلبسون الصوف ويتقشفون ولذلك سموا بالصوفية لأن شعارهم لبس الصوف من الزهد وهو أقرب ومنهم من يقول سموا بالصوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين وفدوا على المدينة لطلب العلم وليس لهم أهل فيها ولا مال فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد وجعل يطعمهم من الصدقات ومما يسر الله عز وجل وهذا ليس بصحيح وليس اسم الصوفية مأخوذ من هذا لوجود الفرق بين هؤلاء وهؤلاء ومنهم من يقول سموا الصوفية من الصفاء لأن قلوبهم صافية وهذا أيضا غلط والصحيح الأول أنهم سموا صوفية لأنهم يتقشفون ويظهرون النسك والزهد ويلبسون الصوف. Donc premièrement, le cheikh il explique que à la base, quand on parle des mutasawwifa, on parle de quelqu'un qui est extrémiste et qui exagère dans le fait de s'écarter des choses de la dunya et qui exagère dans l'adoration. Donc à la base c'est ça. Celui qui va trop loin, qui exagère dans l'adoration et dans le fait de vouloir se détacher de la dunya. Et ça, c'est à l'origine. Ça, c'était la définition à l'origine, au début, quand ces premiers soufias sont apparus, après la période des Sahaba. Parce qu'il n'y avait pas de soufisme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Le terme tasawwuf ou soufiya, ça n'existait pas. C'est après que c'est apparu. Et les gens ont divergé, justement, sur le terme tasawwuf lui-même. D'où est-ce que ça vient, cette appellation-là? Ils ont divergé dans l'explication aussi de cette appellation. Pourquoi ils ont été appelés soufiya ou tasawwifa? Et certains d'entre eux ont dit que tasawwuf, c'est extrait ou c'est tiré du terme souf. En arabe, qui veut dire la laine, comme de la laine. Parce que les soufis, à l'époque, portaient des vêtements de laine. Et ce sont des gens qui, essaient de démontrer une forme de détachement par rapport aux parures de la vie et aux belles choses de la vie. Donc, ils portaient de la laine et on les a appelés soufis à cause de ça. Aussi parce que un de leurs symboles, justement, c'était ça, le fait de porter de la laine pour montrer leur détachement des aspects de l'attachement à la vie ou des parures ou des belles choses. Alors que dans l'islam, en principe, il n'y a rien qui interdit à un musulman d'avoir des beaux vêtements, des belles parures, d'aimer la bonne nourriture, de bien manger, d'avoir des belles choses, d'avoir une voiture qui coûte cher, ou d'avoir des choses s'il a les moyens. Il n'y a rien qui interdit ça. D'avoir une belle maison et des choses de ce genre. Et il y en a des fois qui blâment, hein, qui blâment les musulmans qui ont de l'argent, qui ont les moyens d'avoir des belles choses. Et qui considèrent ça comme étant, comme si c'était une faute, ou comme si c'était un péché, ou comme si c'était mal pour un musulman qui a les moyens de se permettre ces belles choses-là, de les avoir. Hein? Alors ça, c'est, en fait, c'est de l'ignorance. C'est de l'égarement, en fait. Puisque les salafs n'ont jamais interdit, ils n'ont jamais détesté d'avoir des belles choses, et d'avoir des biens, et d'avoir de la richesse. Puisque parmi les salafs, il y en avait beaucoup qui étaient riches, eux-mêmes. Hein? Comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et Abdurrahman ibn Auf, et Othman ibn Affan, qui étaient des riches commerçants, hein? qui avaient de l'argent, et qui, yani, c'était pas quelque chose qui était mal vu. Au contraire. Donc, yani, mais il y en a donc qui ont pris ça de cette façon-là, malheureusement, et qui blâment les gens d'avoir des belles choses. Et souvent, tu les vois, eux, ils ont encore plus de belles choses que ceux qu'ils critiquent. Naam. Donc, il dit, c'est des gens qui montrent leur attachement aux vêtements de laine. À l'époque, c'était comme ça. Parce qu'ils ont imité ça, ils ont pris ça des moines chrétiens. Ils ont mis les moines chrétiens dans les monastères, qui s'isolent de tout, et qui s'adonnent que à l'adoration seulement. Ils se marient pas, ils ont aucun rapport avec les femmes ou la vie, ils n'ont pas d'enfants, ils vivent que pour, hein, ils prétendent qu'ils vivent que pour Dieu, pour adorer Dieu. Mais c'est pas comme ça, hein, c'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour les hommes, puisque tous les prophètes se sont mariés et ont eu des enfants, et ce sont eux nos exemples. Excepté Isa ibn Maryam, hein, qui n'a pas eu durant sa vie de femme ou des enfants, mais d'après ce qui a été rapporté, que à la fin des temps, quand il va revenir, il va se marier et avoir des enfants, et mourir, comme tout le monde par la suite. Donc, le modèle à suivre, c'est l'exemple des messagers et des prophètes, et ils ont tous eu des femmes et des enfants. Hein? Ensuite, donc, ça c'est bien. Et si vous regardez, en tout cas, il y a plein de réfutations des ulama sur ces questions-là, par rapport qu'est-ce qu'ils appellent l'ascétisme. L'ascétisme chez les Grecs de l'Antiquité, ça faisait partie de leur religion. Et chez les Hindous, chez les Bouddhistes aussi, ce qu'ils appellent l'ascétisme. Eh bien, ils ont copié ça, ils ont ramené ça dans l'islam. C'est-à-dire les soufis, ils ont copié les notions des Grecs, des Bouddhistes et des Hindous, quand eux qui ont de la, qu'est-ce qu'ils appellent l'ascétisme, et ils l'ont ramené, essayé de l'incorporer dans l'islam, de même que les chrétiens et les juifs. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ascétisme chez eux? Ça veut dire que pour eux, l'âme de l'être humain, il est en prison dans le corps, et il faut le libérer. Donc, pour le libérer, il faut qu'il fasse, soi-disant, des exercices spirituels, et ils doivent priver le corps de tout plaisir. Donc, il ne doit pas manger, il ne doit pas dormir, il ne doit pas avoir de femme, il doit s'isoler, et ainsi de suite, et vivre une vie difficile. Puis après, ils prétendent qu'après, il se libère de son corps, puis il devient un avec l'esprit ou l'univers. Comme dans qu'est-ce qu'ils appellent, les bouddhistes appellent le nirvana. Hein, et des trucs de ce genre. Et donc, les soufis, ils ont copié ça de ces philosophies-là chez les Grecs, chez les Hindous, chez les bouddhistes, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la foi qu'Allah a enseigné aux prophètes et aux messagers. Les chrétiens ont copié ça chez les mushrikines aussi, la même chose. Ils ont copié ça des Grecs, des Hindous et des Bouddhistes aussi, la même chose. Donc, c'est ça leur caractéristique, l'attachement à ces vêtements en laine, à la base, au début, c'est-à-dire. Puis il dit, il y en a d'autres parmi les gens qui ont dit que soufi, ça vient du terme de ce qu'on appelle Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, yani c'était des gens qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venaient pour chercher la science à Médine, auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils arrivaient à Médine, et puisqu'ils n'avaient pas d'endroit pour habiter, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de famille, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant un certain temps, ils restaient dans un coin de la mosquée. C'est pour ça qu'on les a appelés les gens de Suffa, Ahl al-Suffa, parce qu'ils habitaient dans un des coins de la mosquée. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas beaucoup de biens, donc ils vivaient comme ça, un peu comme pauvrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les nourrissait avec les sadaqat, hein, la charité que les musulmans donnaient. Mais contrairement à ce que s'imaginent les soufis, Ahl al-Suffa, ce n'était pas un groupe défini. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui rentraient, qui faisaient partie d'un groupe, puis qu'ils étaient différents des autres parmi les sahaba. Non. C'est-à-dire que quand ils arrivaient à Médine, ils étaient là-bas pour commencer parce qu'ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas encore ce qu'il leur fallait. Mais une fois qu'ils arrivaient à Médine, qu'ils arrivaient à faire du commerce, ou à trouver du travail, ou à faire quelque chose, eh bien, ils sortaient de la soufa. Ils ne restaient plus à la mosquée. Ils allaient habiter ailleurs dans la ville de Médine. Et d'autres arrivaient. Donc, ce n'était pas un groupe qui restait toujours fixe. Mais c'était plutôt des gens qui venaient habiter temporairement dans la mosquée jusqu'à ce qu'ils s'organisent. Hein? Ça vient clarifier un point important à ce sujet-là. Puis aussi, comme le cheikh il dit, que c'est pas correct de dire que eux sont appelés soufis à cause de Ahl al-Suffa, puisque yani, le nom en question, si c'était de Ahl al-Suffa, on devrait les appeler soufis. Pas soufi. Hein? On devrait les appeler soufi, pas soufi. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Et non seulement ça aussi, mais il y a une grande différence entre les soufis d'aujourd'hui et les gens de Ahl al-Suffa. Les soufis aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté ou qui vivent dans la misère, ils font ça volontairement. Alors que les salafs à l'époque, quand ils rentraient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils venaient à Médine et qu'ils habitaient dans le coin de la mosquée, ce n'était pas volontaire. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais quand ils étaient capables de s'organiser et de se débrouiller, ils quittaient. Et ils allaient vivre normalement comme tout le monde dans la ville. Hein? Tandis que les soufis aujourd'hui, ils font ce choix-là volontairement d'être pauvres ou de se détacher de leurs biens ou pour un certain temps ou bien de façon continuelle ou ainsi de suite. Donc il y a une grande différence entre les deux. Ensuite, le cheikh, il dit, et parmi les gens, il y en a qui ont dit également, parmi les soufis, il y en a qui ont dit également que as-soufi, ça vient du terme as-safa. As-safa qui veut dire la pureté. Et le cheikh, il dit bien entendu que ça n'a rien à voir, parce qu'eux, ils prétendent avoir le cœur pur. Et ça également, c'est non seulement c'est prétentieux, mais en même temps, c'est faux. Hein? Et c'est une erreur. Puisque si c'était on les appelait yani, soufi à cause du terme safa, on devait dire safa'i et non soufi. Hein? Ça, c'est la preuve que ça ne marche pas leur affaire. Et il y a d'autres qui ont donné d'autres explications. Il y en a qui disent que soufi, ça vient de safwa. Et si ça venait de safwa, on devrait dire safawi. Hein? Et non pas safwa. Yani, ça, soufi, non pas soufi. En tout cas, il y a d'autres qui ont essayé de ramener d'autres explications, mais il n'y en a pas une qui tient. Et la seule qui est vraiment correcte, comme le cheikh il dit, c'est la première, c'est-à-dire que ça vient de la laine. Hein, et qu'ils essaient de montrer un détachement à la vie de la dunya et une forme de zuhd, hein, le fait de ne pas vouloir la dunya, des choses comme ça. Et donc, ils portaient de la laine. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit, وكانوا في أول أمرهم لم ينحرفوا فهم عباد ولكنهم يشقون على أنفسهم كالجنيد وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض هؤلاء متعبدة وعلماء ومتمسكون بالعقيدة الصحيحة لكن فيما بعد تطور التصوف فدخلته البدع ودخله التصوف يعني دخله تصوف الفلاسفة من الهنود وغيرهم ودخلته القبورية بل تطور إلى وحدة الوجود والعياذ بالله كمذهب ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من غلاة الصوفية وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة وإن كان في أوله على مقصد صحيح وعن حب للخير إلا أنه ينحرف بأصحابه أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فهم سلموا من هذا وأما التصوف فلكونه خارجا عن الكتاب والسنة آل بأصحابه إلى الإلحاد والعياذ بالله. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, au tout début de leur apparition, ils n'avaient pas dévié au début, parce que c'était juste des gens qui étaient des adorateurs. Donc ils faisaient donnaient beaucoup d'importance à l'adoration. Mais le problème, c'est qu'ils se donnaient trop de difficultés à eux-mêmes. Ils se rendaient la religion trop difficile pour eux-mêmes et trop lourde. Comme par exemple Al-Junayd et Bishrun Al-Hafi et Ibrahim ibn Adham et Al-Fudayl ibn Iyad, ça c'était des gens parmi les salafs, les premiers, disons, qui ont commencé à montrer ces signes d'adoration et de force dans l'adoration et de vouloir vraiment faire des efforts dans l'adoration. Et ceux-là, c'était des ulama en même temps. Non seulement c'était des adorateurs, mais c'était des savants. Ils avaient de la science de l'islam qui les préservait d'une certaine façon de tomber dans l'égarement et dans la bid'a. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est ça le danger. C'est ça qui est grave. C'est que eux, ils s'accrochaient, les premiers se sont accrochés à la aqidah, la bonne aqidah. Mais malheureusement, le soufisme, tasawwuf, il a commencé à dégénérer par la suite. Et il a commencé à faire rentrer en lui-même toutes sortes d'innovations et de bid'a. Et on a vu que même les philosophies de l'Inde, hein, comme je disais tout à l'heure, les philosophies des hindous, des bouddhistes, hein, et des autres croyances, ont commencé à s'infiltrer à l'intérieur du soufisme. Même que l'al-Quburiyya, hein, le culte des tombes et des morts, a commencé à s'introduire également dans le soufisme. Jusqu'à ce que, même par la suite, la croyance en une forme de panthéisme, qu'on appelle Wahdatul Wujud, a fini par s'infiltrer même dans le soufisme. Wahdatul Wujud, c'est une croyance qui vient des hindous et des Grecs et des Koufars en général qui croient que tout est Allah et que Allah est tout. Et qu'il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature. Et que tout est Allah. Tout ce qui existe pour eux est Allah. Donc ça équivaut à nier l'existence même d'Allah. Et ceux qui ont ramené ces idées-là parmi les soufiyines, c'est des soufis comme par exemple Ibn Arabi et Ibn Sab'in, et on mentionne également parmi les soufis égarés aussi Al-Hallaj, hein, qui a prétendu que Allah était en lui, des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des extrémistes parmi les soufis, et ça c'est des croyances de kufr. Et ces gens-là, parmi les exemples de soufis extrémistes comme Ibn Arabi et Ibn Sab'in et Al-Hallaj, ont tous été déclarés par les ulama comme étant des hérétiques mécréants qui ont quitté l'islam et qui ont apostasié. Et ils ont même été exécutés par les savants de l'islam de l'époque. Les savants de l'islam et les juges à l'époque ont ordonné que ces hérétiques-là soient exécutés à cause de leur égarement. Après leur avoir donné de mettre chance et du temps pour se repentir et revenir de leurs paroles de mécréance, mais ils ont insisté et ils ont persisté à prononcer ces fausses croyances-là. Et donc, ils sont restés dans l'égarement et le soufisme a continué à se dégrader avec les années, avec les siècles qui passaient, jusqu'à ce que ça devienne qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Chaque cheikh, il a une tariqa, et chaque tariqa, yani, il prétend que c'est elle qui est la voie vers le salut, et que si t'es pas dans cette tariqa, t'es un égaré. Et chaque tariqa amène ses propres bid'a et ses propres adorations. Chaque tariqa invente au sujet de son cheikh des histoires fantastiques, hein, et ils font de leur shuyukh des awliya qui ressemblent plus à des super-héros, des bandes dessinées, des koufars que des êtres humains réels. Yani, ils inventent à leur sujet des choses vraiment, Allah musta'an, farfelues et complètement, yani, complètement fausses et graves, hein. Et ils les adorent en dehors d'Allah, ils les prennent pour des dieux, hein. Ils adorent leur tombe après leur mort aussi. Ils se prosternent devant eux-mêmes, hein, ils embrassent leurs pieds. Ça, c'est des choses qu'on a vues même avec nos propres yeux. Puis maintenant, en plus, ils n'ont pas de gêne, parce qu'en plus de ça, ils le filment. Ils filment ces choses-là entre eux, puis ils le mettent sur Internet. Pour que tout le monde soit capable de témoigner de leur mécréance et de leur égarement et de leur bid'ah. Donc, est-ce que quelqu'un me posait la question, est-ce que les soufis sont tous des koufars ou est-ce qu'ils sont tous des égarés, hein, mécréants? Et la réponse à ce sujet-là, c'est que non, ils ne sont pas tous des mécréants. Il y a des soufis. Il y a deux catégories de soufis, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami a expliqué. Parmi les soufis, il y a deux catégories. Il y a les soufis modérés et il y a les soufis extrémistes. Hein? Les soufis modérés, c'est les soufis qui font des bid'ahs. Comme par exemple, ils vont par exemple faire des formes de dhikr innovées. Et yani, faire de l'exagération dans certaines adorations. Suivre certaines bid'ahs, fêter comme la fête du Mawlid al-Nabawi ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une catégorie de soufis qui ont des égarements. Ce sont des gens de bid'ah. Mais il y a une autre catégorie qui sont les soufis extrémistes. Et ceux-là, c'est ceux qui, par exemple, adorent les morts, adorent les saints, font des pèlerinages aux tombes et défendent ce genre de pratiques. Ou qui ont des croyances de kufr et de shirk à propos de leur shuyukh, comme ils croient que leurs cheikhs ont la connaissance de l'invisible ou de l'inconnu, ou ils s'imaginent que leur cheikh peut les faire rentrer au paradis, ou qu'il a le droit d'inventer des différentes façons d'adorer Allah qui sont contraires à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils donnent à leurs cheikhs le droit de légiférer dans les adorations. Également, parmi les formes de kufr et de shirk qu'on retrouve, parmi les croyances des soufis, la croyance en wahdatul wujud et en al-hulul, de croire que Allah est dans sa création et qu'il se mélange avec la création, ou bien de croire que l'être humain peut devenir un avec Allah, et se fusionner avec Allah, comme ils appellent al-fana, ou bien qu'il peut que tout est Allah et que Allah est tout, comme ce qu'ils appellent wahdatul wujud. Et même certains parmi les soufis vont même jusqu'à dire que on doit unir toutes les religions. Ils appellent à l'idée de wahdatul adyan, l'unification des croyances et des religions, et ils s'unissent même avec la franc-maçonnerie dans ces idées-là. Donc tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve chez les soufis. Donc il y a ceux qui sont égarés, qui sont des gens de bid'a, mais qui ne sont pas koufars, et il y a ceux qui sont égarés, qui sont des gens de bid'a, et qui sont en dehors de l'islam, parce que leurs croyances et leurs pratiques sont des choses qui les amènent à tomber dans le shirk akbar et dans le kufr akbar. Hein, comme ceux qui disent, mon cheikh, il est monté jusqu'en haut des cieux, et il est allé regarder dans dans l'Allawh al-Mahfouz, pour savoir qu'est-ce qui est écrit. Yani, celui qui croit ça, que son cheikh il a fait ça, yani, c'est pas un musulman. Hein? Donc ça c'est des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufis. Et il y en a qui défendent les soufis, hein, et qui disent il y a des vrais soufis qui sont 100% en accord avec la sunna, comme Tariq Ramadan par exemple, il le répète souvent. Il dit il y a les soufis 100% en accord avec la sunna, comme il prétend, comme son grand-père ou comme le cheikh de son grand-père, hein. Alors qu'on sait très bien que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est pas 100% en accord avec la sunna, c'est rempli de shirk et de bid'ah, hein. On l'a lu dans les paroles de ces gens-là, c'est clair. Et il dit, il y a une autre catégorie de soufis, qui sont les soufis New Age, hein, Nouvel Âge. Le soufi, où il dit que tu n'as pas besoin de faire de prière, tu n'as pas besoin de faire ci, tu n'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est une des croyances chez les soufis, hein, que quand tu arrives à un certain niveau dans la religion, que tu es libéré de toute obligation religieuse par la suite, parce que tu as atteint la certitude. Hein? Donc ça, cette croyance, elle existe chez les soufis. Ça aussi, ça fait partie des croyances de kufr. Que si tu as atteint un certain niveau de spiritualité, tu es libéré des obligations et tu n'es plus touché par les interdictions de la religion. Tu peux faire ce que tu veux. Et parmi les soufis, il y en a qui ont ces idées-là. Ça, c'est du kufr aussi. Ou bien l'idée que le cheikh de la tariqa, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Connaît le ghaïb. Comme Tariq Ramadan, il dit dans ses cours à ses élèves, que les khawas, hein, les élites, parmi les chouyouk soufis, ils te regardent et ils savent qu'est-ce que tu n'as pas fait de ta religion. Hein. Il met sa main sur ton cœur, puis il sait tout de suite qu'est-ce que tu penses, ou qu'est-ce que tu as fait comme péché, ou qu'est-ce que tu as comme problème dans ta maison. Et il dit ça dans ses cours. Et c'est ça ce qu'il enseigne. Parce qu'il vient de ce background-là, il vient de cet entourage de gens qui ont ces idées-là et ces croyances-là. L'éducation, la base qu'il a eue d'éducation, c'est l'éducation des soufis. C'est un soufi, ce gars-là. Tariq Ramadan et toute sa famille, ce sont tous des soufis. Hein? Donc, ne soyez pas étonnés qu'il ne parle jamais de tawhid et de l'explication de la aqidah. Hein? Quoi d'autre encore? Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il prétend? Des soufis New Age, il dit, le vrai soufisme, c'est les soufis qui sont très rigoureux dans leur pratique. Ils font beaucoup la prière, beaucoup de jeûne, beaucoup de pratique. Comme si le fait de faire plus d'adoration, ça les rendait plus correct. En réalité, même les Khawarij faisaient plus de prière, plus de jeûne, plus de récitation du Coran. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, il dit aux sahaba, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et vous allez mépriser votre récitation du Coran par rapport à leur récitation. Donc ça veut dire que, après, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré tout, ce sont les chiens de l'enfer. Et que Allah les, il dit, si j'aurais été présent lorsqu'ils sortent, je les aurais exterminés comme Allah a exterminé le peuple de Had. Et il a dit, annoncez la nouvelle du paradis à celui qui les combat ou à celui qui a été tué par eux. Et naam. Donc, ça c'est à propos de qui? À propos des gens qui priaient, qui étaient rigoureux dans la prière et dans le jeûne et dans la récitation du Coran et dans la religion. Mais ils étaient tombés dans l'extrémisme. Le fait de faire plus ou de faire beaucoup d'adoration, ça ne veut pas dire que tu es sauvé de l'égarement. Puisque si tu ne suis pas la sunna et que tu ne comprends pas la religion selon la compréhension des salaf al-salih, eh bien, tu risques de t'égarer. Et c'est ça ce que les soufis ont fait. Beaucoup de ces khawarij aujourd'hui, à la base, viennent du soufisme. Et tu vois, comme Hassan al-Banna, sa voix, c'est la voix des khawarij. La révolte contre les dirigeants, la rébellion contre le pouvoir, l'appel à vouloir établir un khilafa en renversant les États islamiques qui sont présents pour établir leur gouvernement à eux, tout ça vient des idées des Khawarij. Mais à la base, ce sont des soufis. Hein. Regardez Abdel Salam Yassine, le fondateur du groupe Al-Adl al-Ihsan au Maroc. À la base, c'est un soufi. Il suivait la tariqa Bouchichia, Al-Qadiriya, au Maroc. Et il était même, il espérait même qu'il allait être le successeur du cheikh de la tariqa. Sauf que le cheikh, il a choisi son fils au lieu de lui. Alors lui, il a quitté la tariqa par la suite. Et là, il a fondé son groupe Al-Adl al-Ihsan. Et il appelle à se révolter contre le gouvernement et à renverser le roi du Maroc et à prendre le pouvoir politique par différents moyens. Et il appelle aux manifestations et aux révoltes et aux autres choses de ce genre. Donc ça c'est la voie des Khawarij. Et la même chose pour beaucoup d'autres sectes et groupes d'égarements. Tu vois, tu retournes à leur origine, tu vois que c'est des soufis. Hein. Et la même chose chez les Tablir, Jamaat Tablir, qui sont des soufis. Hein. Le fondateur de Jamaat Tablir, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, ben, beaucoup des gens parmi les Ikhwan et parmi ces autres groupes, ils supportent le Jamaat Tablir et ils sont ensemble, en réalité. Et pourtant, tu les vois que ce sont des soufis. Hein. Donc c'est ça qui montre que même si c'est des gens qui se prétendent donc être pacifistes et être loin de tout ce qu'ils prétendent être de l'extrémisme, ce sont souvent eux les plus extrémistes dans tous les aspects, sur le plan politique, sur le plan religieux hein, et autres. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc qu'ils sont sortis à la fin du Coran et de la Sunna et de leur objectif au début qu'ils avaient, qui était un objectif qui était bon. Ils aimaient le bien, ils voulaient faire le bien, mais malheureusement, ils ont dévié. Et une des raisons pourquoi ils ont dévié aussi, c'est à cause de leur mépris de la science et leur mépris des ulama. Celui qui méprise la science et les ulama et qui est extrémiste dans l'adoration, il tombe dans l'égarement. Et qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit en ce qui concerne, donc, il dit ceux qui se sont accrochés à l'origine au Coran et à la Sunna, ils ont été sauvés de l'égarement, mais ceux qui ont suivi par la suite, eh bien, ils ont sorti du Coran et de la Sunna, donc, ils sont tombés avec les gens de l'ilhad, les gens de l'athéisme et de la mécréance par la suite. Voilà, yadou billah. Cheikh, il termine ça en disant, فهذا مما يدل على وجوب لزوم الكتاب والسنة في العبادة وفي غيرها والكتاب والسنة فيهما الخير ولما قال جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد منهم أنا أصوم فلا أفطر وقال الثاني أنا أصلي ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصلي وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالاعتدال والاستقامة ولزوم الكتاب والسنة هما الخير عاجلا وآجلا فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا من يؤول إلى الضلال وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صالحة لكن يتطور الأمر والشيطان لا يقف عند حد وإنما يتدرج بالإنسان ويقمع الشيطان إلا التمسك ولا يقمع الشيطان إلا التمسك بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, et donc ça c'est la preuve que il faut obligatoirement s'accrocher au Coran et à la Sunna dans l'adoration et dans les autres aspects de la religion. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, il y a le bien. Et il donne l'exemple d'un groupe parmi les Sahaba à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux, par exemple, on dit, il y avait trois personnes. Le premier a dit, moi je vais jeûner, je ne vais jamais briser le jeûne. Yani, tous les jours je vais jeûner. Le deuxième, il a dit, moi je vais prier chaque nuit, je ne vais jamais dormir. Et le troisième a dit, moi je ne vais jamais épouser de femme, je vais toujours rester célibataire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette parole, il s'est mis en colère et il a fait un discours. Et il a parlé. Et il a dit, j'entends que des gens disent, hein, qu'est-ce qui se passe avec des gens qui disent telle ou telle chose? Allez, il a répété ce que ces gens-là avaient dit. Je vais pas jeûner, je vais pas briser le jeûne, je vais prier la nuit, je vais pas marier de femme. Dans une autre narration même, il disait, et je vais pas manger, il y en a un qui dit, je vais pas manger de viande. Tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce que font les soufis aujourd'hui. Et le cheikh, il mentionne donc la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a répondu? Il a dit, mais moi, je prie et je dors. Je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Et j'épouse des femmes. Quiconque, yani, délaisse ma sunna ou préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est désavoué d'eux. Parce qu'ils ont, hein, parce qu'ils voulaient agir comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui agissait de cette façon-là et qui voulait suivre autre que sa sunna ou préférer autre que sa sunna. Donc le cheikh il conclut en disant que la droiture et le fait de rester accroché, hein, au Coran et à la sunna, c'est là-dedans qu'il y a le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et donc, il n'y a personne qui sort de ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, excepté qu'à la fin, il tombe dans l'égarement. Même si au début, il voulait le bien, et il avait une bonne intention. Mais, par la suite, il se dégrade, commence à se dégrader jusqu'à ce qu'il s'égare complètement. Et le shaitan, il ne s'arrête pas à aucune limite. Hein? Il va graduellement avec les hommes. Et le shaitan, donc, il va étape par étape pour t'égarer. Enfin, il ne va pas venir directement comme ça, du premier coup, mais petit à petit. Et le cheikh, il dit que le shaitan, il n'y a rien qui peut le repousser, excepté le fait de s'accrocher sérieusement au Coran et à la Sunna. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec les soufis ou al-mutasawwifa. Ensuite, al-mutafaqqiha, il dit الذي لم يتكامل فقهه يضر نفسه ويضر الناس اذا افتى بغير علم. Donc al-mutafaqqiha, c'est qui? C'est des gens qui ont une petite connaissance du fiqh. Leur connaissance du fiqh n'est pas complète. Et donc le cheikh, il dit, son fiqh lui fait du tort parce que son fiqh est incomplet. Et donc, il fait du tort à lui-même, et il fait du tort aux autres, parce qu'il donne des fatwas sans science. Et ça, c'est très dangereux. Hein? Donc, on va s'arrêter ici, pour aujourd'hui, et on continuera l'explication de ces trois groupes d'égarements dans le cours suivant, Inch'Allah. نعم. طيب خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.